Le bûcher se dressait sur la place du vieux marché de Rouen, le marché aux poissons. Il était 8 heures du matin, mai était doux, comme un mois femelle. Un jeune soleil flambant neuf montait dans un horizon de mousse. Le lait de toute la Normandie radiait dans l'atmosphère en larges taches blanchâtres. L'air sentait la pomme, la barque et le sel. Le marché finissait. On enlevait en hâte des planches, des bâches. Sur le sol, dans les ruisseaux gras, traînaient des débris marins, des têtes de poissons, des tas de moules. Et déjà de grands balayeurs incommensurables lavaient la place à grands dos, à grands gestes. Au fond de la place, dans un petit bistrot à poules, le bourreau, en manche de chemise, dégustait un verre de blanc.